Le Comité national nigérian d'études du kimilsonisme kimjonglisme a inséré le 9 juin sur le site internet le test intégral du discours du maréchal Kim Jong-un prononcé lors du 8e congrès de l'Organisation des enfants de Corée. Les membres de l'Organisation des enfants doivent être de véritables fils et filles de la patrie socialiste, des révolutionnaires.